Salut. Pourquoi t'es venu ici? Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Tout va bien. Sache que ce n'était pas ta faute. Ça ira mieux demain. L'émission! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Notre univers est au bord du précipice. Soyez à mes côtés. J'ai un travail à accomplir, alors je le fais. Je sens que je vais me plaire ici. Bienvenue au palais. Ça ira mieux demain. L'émission! Fadjet. Quand sonne 19h, il est temps pour moi de donner le micro à Benoît et de me taire. Ah, moi j'adore cette petite musique. Un jour, je vous parlerai. Je vous l'ai dit déjà que c'était tiré de Monstres et Compagnie, la série qui est diffusée sur Disney+. Si jamais vous êtes en manque de ce petit générique, regardez cette série, c'est sympa comme tout. C'est une déclinaison des célèbres films Monstres et Compagnie. C'est très sympa à regarder. Alors aujourd'hui, c'était cette semaine plutôt l'avant-dernier épisode de The House of Dragon. Et tout doucement, les taux se referment, la danse des dragons va bientôt commencer, tout va s'écrouler et c'est sur cet écroulement que va certainement se terminer cette saison 1 de The House of Dragon. Je suis fan, absolument fan. Alors que je n'ai jamais adhéré à Game of Thrones. Allez savoir pourquoi, j'ai sans doute vieilli, c'est peut-être ça aussi. Mais bon, apparemment, les jeunes aussi aiment les dragons. Et vous êtes très nombreux, comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais vous êtes de plus en plus nombreux à travers le monde à regarder cette série qui est franchement phénoménale. Et là, effectivement, pas de dragon à l'horizon pendant les 58 premières minutes de cet avant-dernier épisode. Et alors qu'on pensait l'affaire pliée et l'avènement du fils que l'on n'attendait pas à la tête de la famille. Et voilà, un dragon arrive et vient foutre le souk, si vous me permettez l'expression, mais sans jamais transmettre le feu. Il a tout détruit dans cette belle salle, dans ce beau palais, et il s'envole de ses belles ailes. C'est fabuleux comment une série peut réaliser de telles prouesses techniques en faisant voler ces magnifiques dragons. Cette série-là porte magnifiquement son nom et je ne peux que vous inciter à regarder cette série de semaine en semaine. Mais je n'en dirai pas plus pour ne pas dévoiler l'intrigue. Mais franchement, je vous ferai un parloir sur The House of Dragons et vous expliquer tous les dragons dans un futur plus ou moins proche. Ça, c'est certain. Enfin, il reste plus qu'un épisode. Ce sera lundi et c'est sur OCS. Lundi soir sur OCS, vous pourrez le voir. Et je ne redirai jamais assez l'importance qu'il y a, l'intérêt d'avoir ces épisodes diffusés comme ça chaque semaine à l'ancienne. Alors que, voilà, on est trop tenté. Moi, je ne peux pas faire comme Laurent qui je ne sais pas s'il continue de faire comme ça, mais quand tu regardais des séries sur Netflix, tu en regardais un, voire deux épisodes, mais que tu n'allais jamais plus et que tu te distillais les séries comme ça d'une manière... moi, je n'y arrive pas. Quand moi, je continue. Quand je suis dedans, moi, c'est, ouais. Ça peut aller 4, 5, 6... Si tu veux, maintenant ça fait 2 ans où j'ai recréé ma trilogie du samedi soir. Je reste nostalgique de la trilogie du samedi soir d'M6 et ça fait 2 ans que je fais ma trilogie du samedi soir. Régulièrement, je change de série puisque les séries maintenant sont aux alentours de 10 épisodes. Mais en ce moment, je me délecte avec le nouveau Star Trek. Un épisode, je me délecte avec Fear the Walking Dead, avec The Terminal List, mais à chaque fois c'est un épisode et ça me fait 3 inédits le samedi soir et je m'arrête là. Et ben voilà, il a le courage, moi j'y arrive pas, hein. J'y arrive pas quand je suis parti, il faut que j'aille au bout. Oui, mais toi-même tu le dis pour House of Dragon, tu as le plaisir d'arriver au lundi pour découvrir un nouvel épisode. Oui, parce que là je suis obligé. Et moi, c'est ce plaisir-là. Je me dis toujours, le samedi soir, je vais me mettre dans ma bulle et je vais regarder 3 inédits. Et voilà, c'est un plaisir comme un autre. Mais quand tu me parles de dragons, moi, ça me fait penser à une série des années 70, un dessin animé qui s'appelait Capitaine Caverne. Et c'était un homme préhistorique. Oui, et il y avait un dragon qui aidait 3 filles à faire des enquêtes. Et à différents moments de la série, il utilisait sa massue qui s'ouvrait pour avoir différents. Et à un moment donné, il y avait un petit dragon qui sortait de la massue. Sauf le problème pour le Capitaine Caverne, c'est que son dragon était asthmatique. Donc il avait du mal à cracher des flammes. Ah, je vois le Capitaine Caverne, je vois le gourdin. Voilà. Je ne vois pas le petit dragon. Et c'est un petit clin d'œil vintage. Alors, bon. Donc ça ira mieux demain. Là, c'est ça pourrait être marrant d'ailleurs de voir le petit dragon sortir du gourdin, intégré dans Game of Thrones. Tiens, en parlant d'intégrer, j'ai regardé avec beaucoup de plaisir. Ça n'a rien à voir, mais la grande incruste sur TF1, Camille combat le mardi. Quel plaisir de le voir se balader dans tous les programmes de télévision. C'est dommage que l'audience n'était pas au rendez-vous. C'est bien triste parce que ça, au moins, c'est... Alors, on aime ou on n'aime pas Camille Combal, mais je trouvais que c'était quand même assez innovant. C'est vrai que ça fait un peu télé des années 80-90, mais qu'il y avait ces petits moments, ces petites pastiches plaisants à regarder. Et ça aurait mérité quand même un gros carton d'audience parce que c'était vraiment très, très drôle. Oui, alors du côté de Cyril Hanouna, ils ont été quand même assez durs sur ce deuxième numéro. Moi, je l'ai apprécié à sa juste valeur. C'était un moment de détente, d'humour. Alors après, on est client ou pas de l'humour de Camille Combal, mais quel plaisir de le voir intervenir aux côtés de Mimi Mati, même si j'aime pas Reichmann, en Matéi, et puis ce tirage du loto. Et puis le tirage du loto, alors là, c'était un des meilleurs moments avec Jean-Pierre Foucault, avec tous les animateurs qui normalement se succèdent pour assurer les tirages. Là, ils étaient tous sur le même plateau. C'était pas énorme, on n'était pas plié de rire, mais ça... Mais il y a eu de très très bons moments. Voilà, tout ça pour dire, ça n'a rien à voir, mais comme tu parlais de ce Capitaine Caverne et que je l'imaginais en incrustation dans House of Dragon, ça m'est revenu à l'esprit. Allez, avant d'écouter notre parloir et de découvrir cette fameuse Miskina, voici donc une femme qui... de combat, qui défraie la chronique de temps en temps car elle n'a pas la langue dans sa poche. Voici, c'est tout chaud, ça arrive d'hier, le tout nouveau Camilla Jordana dans Ça ira mieux demain, l'émission. De nuit comme de jour, la gorge et les poings se serrent. J'ai le cœur lourd, je ne peux le laisser faire. Mon désir sourd m'empêche de regarder en arrière. Et mes amours maintenant ont un goût amer. J'ai cru savoir m'y prendre. J'ai vu en vain. J'ai su comment t'attendre. Je me suis perdue. Je n'y vois rien. J'essaie simplement de me taire. Je regarde autour, mes pensées sont en désert. Tu me joues des tours et je vois tout à l'envers. J'ai cru savoir m'y prendre. Direction Amazon Prime pour découvrir la pépite de l'automne en la personne de Miskina. Miskina, c'est l'histoire de Farah, 30 ans, sans appart, sans boulot, sans mec, mais avec une forte myopie. Avec sa grand-mère, sa mère et sa sœur sur ses côtes H24, il est temps qu'elle se bouge et qu'elle commence à faire des choix. Entre son meilleur pote, qui est peut-être l'homme de sa vie, et ce nouveau gars un peu perché qui tombe amoureux d'elle, entre ménager sa mère encore bloquée sur le passé et renouer les liens avec son père, entre constamment se raconter des histoires et enfin affronter la vérité. Lorsque la vie ne cesse de te mettre des claques, il faut se prendre en main et arrêter d'être une miskina. C'est toute l'histoire de cette nouvelle série d'Amazon Prime. Ma vie, c'est un peu le bordel. J'ai pris 30 kilos, je suis Chantal depuis que j'ai 12 ans. Parce qu'elle habite encore chez sa mère à 30 ans. C'est bien ça. C'est les tanguis que ça s'appelle. C'est pas attirant, les tanguis. Et sinon, c'en est où ton food truck? Pour le coup, ça se décante, hein. Ça va, ça suit son cours normal. Hein. Auto-sabotage. Miskina, elle n'a jamais eu d'amoureux. Là, c'est ma préférée. T'es pas habillée, toi? Ah si, quasiment. Ah mais non, elle a pas du tout, là. Elle va t'habiller. La même que Kendall Jenner. Il a dit Kendall Jenner. C'est son premier ramadan. Toi, t'as pas mangé ce matin, toi? Tu vas galérer de foudre, tu sais ça? Tu sais que le petit déj, c'est le repas le plus important de la journée? Je vais te faire la misère à qui pour, t'es pas prêt. Machallah. Ça fait longtemps que tu le kiffes? Je le kiffe pas du tout. C'est mon meilleur ami. Non, parce que vous aviez l'air hyper connecté, toi et lui. C'est bien ça le problème. Ce garçon vous plaît parce que c'est impossible entre vous. C'est normal que ce soit plus dur pour toi. Mais moi je te vois, tu vas y arriver. Je vais aller en Algérie. Tu vas découvrir la terre de tes ancêtres. On se met de ouf en fait ici. J'avoue, depuis que je suis arrivé ici, j'ai un peu l'impression d'être Emily Ratajkowski. C'est toi qui dois t'occuper de la famille maintenant. Et toi, Farah, t'as quelqu'un? Je calme un peu le jeu parce que je me préserve, tu vois, moi j'attends le but. Bah ouais, t'as raison. Au casting, Meda Bedia est entourée de Shirin Boutella, Hakim Djemili, Victor Belmondo, Xavier Lacaille, Alka Balbir. Commander Dizesnekar. The notable representative of the French elite fire squad has left our soil today after a successful fire drill with our highly decorated local fire crew. Fire commander Captain Raj, who is quite a busy man, has vigorously led the drill, while the French representative demonstrated the use of firefighting techniques. Meda Bedia a co-écrit la série avec l'humoriste Xavier Lacaille, qui a écrit le scénario de Validé, et qu'on a notamment vu dans la web-série Parlement. Et Johan Gromb, co-scénariste du film culte L'Arnaqueur. Miskina la pauvre est réalisée donc par Meda Bedia et Anthony Marciano. Margot Marciano et Nicolas Duval-Adovowski sont les producteurs exclusifs de cette série de 8 épisodes, produite par Quad, qui n'est pas inconnu, puisque c'est le producteur notamment du film Forcé et d'Intouchables. Tous les épisodes sont donc disponibles depuis le 30 septembre sur Prime Video en France, mais aussi dans les pays francophones. C'est la deuxième collaboration de Meda Bedia avec la plateforme de streaming, après l'acquisition par celle-ci de la comédie Forte, dont la sortie cinéma fut annulée en raison de la fermeture des salles de cinéma en mars 2020 et bien sûr de l'épidémie du Covid. Meda Bedia est l'héroïne donc, et la co-autrice de Miskina la pauvre. Une série qui est à 50% inspirée de sa propre vie comme elle aime le dire. Meda Bedia, c'est déjà la bonne humeur incarnée, un rire généreux qui aime se définir elle-même comme une petite arabe grosse et myope. L'autodérision, c'est une couverture de protection qu'elle s'est tricotée dès l'enfance. Elle s'est dit « Je veux essayer de me vanner avant qu'on me vanne, comme ça j'aurai moins mal au cœur. » À 31 ans, elle illumine donc sa première série, donc produite par Prime, jouée et coécrite donc par ses soins. Comme dans le film Forte, énorme succès du confinement en streaming, elle crève l'écran. Aussi drôle que touchante dans Miskina la pauvre, une interjection venue de l'arabe. Pourquoi ce titre ? Il s'est imposé après avoir terminé les 8 épisodes, nous dit l'actrice. Cette série raconte la vie d'une fille qui galère, une personne qui est pauvre, misérable et qui est un peu échouée dans la vie. C'est ça une Miskina. La fille donc, c'est Farah, sans boulot, sans mec, elle habite encore chez sa mère et sa grand-mère et cherche donc à donner une dimension spirituelle à sa vie. Sa famille arabe ressemble beaucoup à la mienne, reconnaît Meda. Elle est à la fois singulière, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir trois femmes de trois générations différentes algériennes. Mais elle ressemble à toutes les familles au fond. Il me semble que chacun peut s'y projeter. A noter que le réalisateur Anthony Marciano filme l'univers de Farah avec beaucoup de tendresse. Miskina la pauvre est bien plus qu'une comédie, c'est une dramédie, comme on nomme cette nouvelle catégorie de séries ou films, qui navigue entre rire et tendresse, voire mélancolie. Pendant les ateliers d'écriture, toutes les semaines, j'ai eu l'impression de faire une sorte de psychanalyse, raconte Meda. Quand tu racontes des choses qui t'exposent, c'est un peu normal. Sauf qu'au final, c'est les spectateurs qui vont payer, pas toi. Conclut Meda dans un grand éclat de rire, comme on la connaît. Rendez-vous donc pour cette belle série sur la vie d'une fille qui est finalement pas si miskina que ça. La bande originale musicale est du tonnerre. En plus d'Eva, qui nous chante Who's That Girl, et de DJ Snake. J'avais envie de vous repasser une autre Who's That Girl. C'était il y a bien longtemps de cela, en 1987, tiré du film du même nom. Madonna chantait Who's That Girl. Voici une version 2022 de Who's That Girl pour terminer cette belle série. Rendez-vous sur Amazon Prime pour découvrir les 8 épisodes de Miskina la pauvre. Ah, ce remix de Madonna que j'ai découvert en préparant cette émission, je ne pouvais que vous le faire découvrir. Who's That Girl? Ça fait vraiment une chanson très actuelle, très remodernisée, année 2022. Allez, sans plus attendre, notre palais, notre petite découverte de cette semaine. Bienvenue au palais. Et notre palais du jour nous amène encore sur Arte. Décidément, j'ai voulu te faire plaisir ce soir. On parle d'Arte. Eh bien, merci. Hein, je sais, ça fait longtemps qu'on ne parlait pas d'Arte. Et c'était un peu une constance, un apport d'Arte quand Pierre était là. Donc, je salue. J'allais le dire. Je salue Pierre qui, était avec moi, un des grands un des derniers défenseurs d'Arte. N'exagérons pas. Un des défenseurs d'Arte. Et depuis hier soir, et c'était déjà sur Arte TV depuis déjà une dizaine de jours, depuis le début du mois, et vous l'avez peut-être vu sur les bus à Nancy, Le Monde de Demain, une série donc pour deux semaines que vous allez pouvoir suivre, que vous avez peut-être déjà vu hier soir, si I3P ne vous intéressait pas, hier soir sur TF1, vous pouviez être sur Arte. Et Le Monde de Demain, c'est une véritable plongée en immersion dans la banlieue parisienne des années 80. Une spéciale années 80 pour Laurent ce soir, en plein essor du hip-hop en France. Et loin de se limiter aux personnages de rappeurs, la série s'attarde également sur d'autres acteurs de mouvement, des danseurs, des graffeurs et surtout DJ, à travers le portrait d'un pionnier qui deviendra le fameux Dynasty. Dynasty, D-E-E, plus loin, Nasty, N-A-S-T-Y. Ouais. Rien à voir avec le feuilleton américain. Et de sa compagne Béatrice, qui nous offre certainement des belles images, des belles scènes très touchantes et surprenantes de ces 6 épisodes. Voici la bande-annonce. Allô ? Oui, j'appelais pour savoir, vous cherchez toujours un DJ ? Ok, alors moi, c'est Daniel. Allô ? J'ai vu le futur là-bas. Les DJ, ils font tout avec rien et réinventent tout. C'est une énergie, c'est un flash dans la gueule. J'ai jamais vu autant de noir à la télé. Hein. À mon avis, ça va péter là. Mais t'es qui toi, Miss Météo ? Sinon, on va pas retourner sur le dos comme des guignolos là, c'est quoi le projet ? Tu mets pas mon nom sur les murs du quartier hein ? Ça va pas ou quoi ? C'est pas ton nom, c'est le mien. C'est pareil, tout le monde sait qui c'est Vivi. C'est clair que je pourrais pas me planquer derrière un bureau. Je pourrais pas faire un métier de vieux, tu vois. Décide de ce que tu veux faire. Tu vois comment il faut se battre pour avoir une toute petite place. Je vais enregistrer un disque avec un pote. Le premier album de hip-hop en France. Pourquoi il chante? Il est 15h, là. Les coqs, ça chante le matin, non? Enculé! Ça vous dirait pas de continuer à danser, mais en gagnant de l'argent? Alors c'est quoi l'embrouille, là? Quoi le projet, maintenant? Le projet? C'est conquérir Paris, mon pote. C'est l'heure de la nouvelle ère du hip-hop. On n'a pas de matos, on fait comment? Ça, c'est demain, ça, c'est le futur. Le rap français, ça se vend pas. Tu sais que tu vas te faire une belle vie. Tu vas y arriver. Ce qui serait bien, c'est que je vous présente un parolier. C'est où tu peux te le foutre, ton parolier? Les grands génies de ce monde, personne ne les comprenait. Ils crevaient seuls, incompris, ils ont baigné dans leur caca toute leur vie. Enfin bon, moi, je sais pas si j'ai envie de mourir seul dans ma mère. Ce qui compte, c'est pas d'être prêt, c'est d'être là. La vraie question, c'est on le fait ou on le fait pas? Et là, t'es sûr, c'est sur Arte, ça. Ouais. Pas sûr que Maître Pierre puisse être capté par la série. Et là, on le regarde ou on la regarde pas, ce Monde de Demain? Ah, franchement. Ça, c'est la bonne question. Ça, c'est la bonne question. Ah, mais oui. Je pense que vous allez être nombreux à la regarder. J'ai pas regardé les audiences. On n'a pas vu les audiences, d'ailleurs, d'hier soir sur Arte. S'il y avait le million, des fois, Arte, ils arrivaient à passer le million. Je peux essayer de chercher. Donc, ce serait sympa, effectivement, de savoir l'audience. Parce que, franchement, c'est aussi. Il y avait Joëstar sur TF1. Il y avait aussi un Joëstar hier soir sur Arte. Puisqu'on découvre aussi le démarrage d'NTM et de Melvin Boomer, car c'est son vrai nom, en jeune Joëstar. Donc franchement, une série que je vous conseille. J'ai regardé quelques images et ça donne envie. Et la bande annonce est très très bien faite, car elle donne aussi énormément envie. Alors Arte, Le Monde de Demain, ils étaient à 437 000 téléspectateurs et 2,2% de parts de marché. Bon, c'est un audience normale, là, ça pas non plus... Mais bon, peut-être que vous l'aviez vu avant sur Arte TV, puisque ça l'était depuis début octobre. Mais voilà, et encore une autre soirée la semaine prochaine, et vous pouvez aller voir le replay pour les trois premiers épisodes sur Arte TV. L'autre nouveauté, eh bien aussi, qu'on voit aussi sur l'affichage un peu partout en ville, c'est Les Amateurs. C'est une série de Disney+, une série française. Disney+, aussi, fait des séries françaises. Avec cette histoire de deux hommes, Vincent, petit employé de bureau introverti et fluet, interprété par Vincent Dedienne, qui végète dans un open space du service communication du département de Meurthe-et-Moselle. Eh oui, Laurent. Il porte un pull sans manches sous son duffel coat, marmonne ses fins de phrase et baisse les yeux quand sa boss, dont il était amoureux et qu'il a largué, interprétée par Fanny Sidney, lui demande de faire correctement son boulot. Alban, lui, joué par François Damiens, chargé de la distribution du courrier, est purement et simplement le gros lourd du bâtiment, fan de paintball. Il vit chez sa mère, entre ses posters d'adolescent et ses envies d'aventure et de romance qui ne l'ont jamais amené au-delà du lotissement natal. Les deux compères vont se retrouver embarqués dans une histoire de malfrats qui les dépasse totalement à la suite de la découverte fortuite par Vincent d'un téléphone portable perdu dans un fossé. L'appareil sonne, Vincent décroche et le voilà au milieu d'une affaire de kidnapping et de demande de rançon. La fougue d'Alban, qui répète sans cesse qu'il veut la jouer fine, va les conduire dans un imbroglio mêlant des petites frappes locales, des agents russes véreux et la DGSE. Un monde quelque peu nouveau pour nos deux amateurs, plus habitués à manier le logiciel PowerPoint ou une manette de PlayStation qu'à tenir une arme ou être accusé d'assassinat. Voilà, deux compères, c'est... On les compare un peu à du Bourville de Funès. Voilà, non, mais dans les chocs de culture, on va dire, ou alors dans les fameux le grand blond et la chaussure noire. Pierre Richard, voilà, et ses pitreries avec toute une sorte de tirade bien, bien marquée, notamment une que je ne peux pas m'empêcher de vous répéter. Bouchez-vous les oreilles, la fin est un peu vulgaire. Vincent Dedienne a une phrase épatante et qui n'arrête pas de lâcher. En Meurthe-et-Moselle, bordel, il faut pas nous faire chier. Voilà. Voilà, c'est une des phrases clés de cette série. Très drôle. Bon, voilà, c'est potache, hein. On va voir si elle va vraiment fonctionner. Alors moi, j'ai voulu savoir, puisque on nous peint ces deux gars de Meurthe-et-Moselle qui nous dit qu'il ne faut pas les faire suer en Meurthe-et-Moselle. Eh bien, ça n'a même pas été tourné en Meurthe-et-Moselle. La honte quand même, puisque ça a été tourné pas très très loin, en Belgique, parce qu'ils sont belges. Et voilà, et pourquoi ont-ils choisi la Meurthe-et-Moselle ? Ça, je n'ai pas encore réussi à trouver l'info. Mais bon, voilà, ça les amusait certainement de parler ainsi de la Meurthe-et-Moselle. Donc la Meurthe-et-Moselle, Nancy, au cœur de l'actualité. C'était samedi dernier sur France 3 dans Meurtre à Nancy. Et c'est également au cœur de cette série de Disney+, que vous pourrez regarder, Les Amateurs, si vous avez envie de rire et de vous détendre. Le bon rire potache, je vais pas dire à la Camille Combal, mais un peu dans le genre. Voilà ce que l'on pouvait dire. Mon Dieu, il est 19h31, c'est le moment de vous quitter, d'aller vous substanter, hein, tous, et puis je vous retrouve dans 29 minutes pour le Hot 40. Et on a encore changé de numéro 1. Qu'est-ce qui se passe dans le Hot 40 en ce moment? On a encore un nouveau numéro 1. Le troisième numéro 1 en 3 semaines. Mon Dieu. Incroyable. Bon week-end. Passez de bonnes vacances si vous en prenez. Et on se retrouve dans 15 jours. Allez, à bientôt. Bye bye.